Celle qui entre par une oreille trouve l'autre fermée et ressort par la bouche la chanson. Celle qui fait sa place au soleil dans l'ombre de nos cœurs et que rien n'effarouche la chanson, celle qui a la vie brève, à peine a-t-elle fait la, la, la, qu'elle n'est plus là, la chanson, la chanson, la chanson, celle qui rêve de déplacer plus d'air que l'air de la Tosca, la chanson, la chanson, la chanson. L'oiseau-mouche perché sur le grand mur du son, celle qui m'est revenue l'autre nuit, mais celle qui la chantait, elle ne reviendra plus, la chanson, celle qui est incarnée sous la pluie par une Édith qui piaffe à l'angle de la rue, la chanson, celle qui est encore dans le corps d'un piano refermé pour toujours, la chanson, la chanson, la chanson cousue d'or qui se paie des jardins en gueulant dans les cours, la chanson, la chanson, la chanson, la chanson